pas. Comme moi, voler au secours des amours forces, des tartuffes, des lits de chair, mais du vrai désir, du mien. Pour mon âme, pour mon repos, rassure-moi, tout n'est pas vain. Pour tes yeux, la vie souille tout. Je ne voulais te savoir ailleurs. Avec qui, quelle envie, quel désir plus fort que le mien. J'aime ton chagrin. J'aime ton chagrin. Ah oui, j'aime cette pureté. Ah oui, j'aime cette tristesse. Ah oui, j'aime ton chagrin. Ah oui, j'aime ta tristesse. Pour ressusciter, pour aimer à nouveau. Écoute le diable qui échange la vie. Pour tes yeux, la vie souille tout. Surtout le beau, surtout le beau.